La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui se lument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi les choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Sans doute que mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Où je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul.